Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosecrans.com pour le 23e numéro de Sur nos écrans, un numéro pour lequel le focus sera consacré cette semaine à Heroes Reborn, revival de la série Heroes. Donc on va voir si cette première saison d'Heroes Reborn démarre aussi bien que la première saison d'Heroes il y a quelques années maintenant. A priori, tout le monde ne semble pas vouloir le dire. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 23e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos, rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Elodie. Bonsoir. Et Léo. Hello. Avant de parler de Heroes Reborn, comme d'habitude depuis le début de la saison, est-ce que quelqu'un a vu autre chose qu'Heroes Reborn cette semaine concernant les séries dérivées de comics, soit du rattrapage, soit des inédits, malgré le peu d'inédits qu'on a en ce moment, cause de saison non commencée? Bah, toujours fier de Walking Dead, hein. Toujours. Ah bah oui, évidemment. Ah, en plus, ce dernier épisode était un peu mieux que les autres. On ne spoil pas, je ne l'ai toujours pas vu, non. Bah, alors, je l'ai vu, je suis d'accord avec Elodie, effectivement. Un peu mieux que les autres, malgré quelques grosses facilités. Après, c'est pas nul, hein, mais c'est lent. Ça manque un peu de rythme. C'est lent, mais c'est vrai que 3 et 4 sont quand même nettement mieux que 1 et 2, au niveau des épisodes. Hein. Ah ouais, le 3... Ah ouais, définitivement. Donc voilà, a priori, ils ont quand même décidé... Il se passe... Sinon, oui, c'est toujours aussi lent, en fait. C'est toujours ça, le problème majeur, c'est que c'est lent. Ah bah, c'est lent et on n'arrive pas à s'attacher aux personnages comme on s'attache à ceux de The Walking Dead, pour ma part. Donc, Ouais, un peu plus, mais un peu plus maintenant que dans les deux, trois premiers, mais oui, c'est quand même pas... Voilà. Ouais, bon. À voir par la suite. C'est ça, de toute façon, dans deux grosses semaines, deux ou trois semaines, je ne sais plus, on fera le bilan de cette première saison hein, dans deux ou trois numéros de sur nos écrans. Bah, il n'y a rien d'autre, a priori. J'ai pas regardé le moment. Non, Agents of S.H.I.E.L.D. reprend là. Agents of S.H.I.E.L.D. Voilà, reprend là, cette semaine. La semaine prochaine, ce sera Flash et Arrow. Donc là, on va commencer à avoir pas mal de choses à dire. Vixen continue son petit bonhomme de chemin. Je crois qu'il ne reste plus qu'un épisode. Et j'ai eu la bonne idée personnellement d'abandonner Gotham, donc ce sera sans moi cette année. T'as regardé le premier? Ah non, non. Déjà? D'accord, parce qu'a priori, le premier épisode de cette saison a quand même recueilli plus d'avis positifs que la saison 1 au complet. Même moi, j'ai dit des choses positives. J'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit des choses positives. Non, on a dit que c'est mieux, on a pas dit que c'est bien, c'est mieux. Dites-le les gars, dites-le. Non, on dirait. Faut faire des choix dans la vie, hein. Désolé, mais Gotham est passé à la trappe. Bah écoute, voilà. C'était de la très grosse merde, maintenant c'est peut-être de la grosse merde. Il n'y a plus le trait. Allez, on va passer à notre focus, Heroes Reborn. C'est parti. Le comeback de l'univers Heroes. Je me suis tapé la saison 4 d'Heroes, j'avoue, cette semaine. Oh, alors raconte, est-ce que tu peux nous faire un résumé? Parce que je m'étais arrêté, je crois, au milieu de la 3. Et donc, je l'ai vu aussi, j'ai tout. Il n'y a pas de résumé à faire. Si c'était, enfin, je voulais voir, en fait, parce que j'étais pas allé jusqu'au bout à l'époque, j'avais vraiment pas réussi. Et je voulais voir quand même la situation des personnages principaux à la fin de cette saison 4. Puis au final, j'aurais pu ne pas la regarder, puisque il n'y a rien qu'à changer, quoi. Ils sont toujours tous là. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Moi, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe avec Claire. Mais... La seule chose à savoir, c'est qu'à la toute fin de l'épisode final d'Heroes, Claire Bennett choisit de se révéler au monde. C'est-à-dire qu'elle va profiter de la présence de nombreux journalistes suite aux événements du final, va monter sur une grande roue, ou un truc, oui, c'est ça, une grande roue, et ouais, va sauter dans le vide, et forcément, elle va se relever en se réarticulant. Remettant l'épaule. Voilà, elle va se remettre les membres en place, ouais, etc. Et du coup, elle va... Mais tu es d'accord qu'elle a encore ses pouvoirs à la fin de la saison 4? Elle a encore son pouvoir, oui. Et elle va terminer la série, puisque c'est la fin de la série, en disant « Je m'appelle Claire Bennett, et ceci est ma tentative numéro... J'ai arrêté j'ai de compter. » Compte. Voilà. Et puis on s'arrêtait là sur un « To be continued ». Je comprends pas pourquoi elle meurt. Mais elle meurt pas. On sait pas. on n'en est oui, pas sûr. Après, il y a des trucs, mais essentiellement, c'est son père, il se dit pas, oh, bah, elle a un pouvoir. Alors, on va voir justement, là, en parlant de ce double épisode introductif d'Heroes Reborn, que c'est pas si évident que ça. Avant ça, on va peut-être revenir quand même permis. Sur Dark Matters, Heroes Reborn Dark Matters, la mini-série en 6 épisodes de 5 ou 6 minutes chacune. Ça a été jusqu'à 11 quand même. Ça a été jusqu'à. Moi, j'ai pas vu passer, alors du coup, c'était jusqu'à 11. Bon, ça faisait une pour tous les voir, quoi. Oui, voilà, en gros, tous mis ensemble, ça faisait la taille d'un épisode normal. Ouais. À peu près. Oui. Spoiler Toto permis Spoiler permis, oui. Bah oui, bien sûr. Non, c'est juste pour demander. Non, ce genre. Oui, spoiler permis, il n'y a pas de souci. Dans tous nos débriefs, on se permet des spoilers. Mini-série dans laquelle on découvre. Comment il s'appelle? Trousse, quelque chose. Hero Trooper. Hero Trooper, voilà. Hero Trooper. Qui semble. Qui m'a fait beaucoup penser à un pirate. Enfin, c'est vraiment les techniques des pirates informatiques, etc. Avec des vidéos un peu étranges visuellement. Mmh. Et puis on va découvrir un événement autour de qui va se passer à Odessa. L'événement du 13 juin dont on parlera plus tard dans le pilote d'Heroes Reborn. Et puis on va suivre une personne qui va se révéler avoir des pouvoirs et être ce qu'ils appellent maintenant les Ivo. Ouais. On pourrait pas dire mutant, sûrement. Bah, c'est comme Zombie Walker dans Walking Dead. Hein. C'est ça. Donc cette personne qui va mystérieusement disparaître à la fin de la série. Ouais, et après on suit son frère. Et on va suivre son frère dans la série Heroes Reborn. Frère dans Heroes Reborn. C'est qui son frère? C'est Quentin. C'est Quentin, c'est le barbu là. Qui est avec Noah dans Reborn. Celui qui va avoir Bennett? De quoi? Celui qui va avoir Bennett? Oui, celui qui est avec Noah. Ouais. Le barbu qui était dans A2Z l'année dernière. Mini-série, vous en avez pensé quoi pour ceux qui l'ont vu? Elodie, tu l'as vu ou pas, non? Non, pas du tout. Ça peut t'aider, Arnaud, du coup, si tu veux faire Arnaud. Un lien avec... Ouais. Moi, je l'ai vu, ouais. J'ai trouvé ça... Alors, visuellement, c'était pas terrible. C'était souvent filmé soit au travers d'un caméscope ou d'un téléphone portable. Ouais. Ce qui était parfois intéressant parce que elle se filmait pour mettre en scène ses pouvoirs, d'accord. Mais des fois, ça n'avait absolument aucun intérêt de filmer ça de cette manière. Mais bon, après, et au des niveau... Fois, on se demande même... D'où vient l'origine, la source... Quel est l'appareil, oui, parce que c'est assez bizarre. Parce que des fois, ils ont filmé devant la télé, tu dis quoi, ils ont posé leur portable, ils se filment en train de regarder la télé, enfin, bref. Visuellement, il y avait des petits soucis qui n'étaient pas forcément super. Mais après, au niveau de la narration, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y avait vraiment des très bonnes idées et surtout ça permettait de faire le lien entre la fin de Heroes et le début de Heroes Reborn parce que je pense que si on n'a pas vu Dark Matters, on a du mal à recoller les morceaux, notamment avec ce qui se passe avec Claire et la situation, parce que la situation a quand même énormément changé entre Heroes et surtout la fin où Claire annonce qu'il y a des gens avec des pouvoirs et le début de Heroes Reborn où tout le monde sait que les gens ont des pouvoirs, il y a déjà des choses qui sont mises en place, il y a de la discrimination, etc. Ça se passe plusieurs années après, hein, de toute façon. Ça se passe un an. Ça se passe un an et demi après. On t'entend très mal. Ouais, Elodie, on t'entend super mal. Je te confirme, c'est très confus, vous m'entendez bien? Ouais, là ça va. Oui, non, je suis d'accord. Et justement, Dark Matters montre cette évolution parce que ça commence tout de suite vraiment juste quelques semaines ou quelques mois après la révélation de Claire. Et du coup, tu vois vraiment toute cette évolution jusqu'à ce que tu arrives au 13 juin à cet événement-là. Et on voit même encore un peu après l'enquête de Quentin qui cherche justement à retrouver sa sœur, tout ça, et qui arrive justement jusqu'à Noah Bennett. Et la Dark Matter se termine en voyant avec Quentin qui espionne Bennett dehors sur le parking de son boulot, en fait. Ce qu'on revoit ensuite dans le pilote de Reborn. Mmh. Donc vraiment, c'était vraiment... Je pense que ils auraient vraiment dû intégrer ça à Reborn, parce que c'est vraiment difficile. Sinon, je pense que c'est vraiment très difficile de faire le lien. Et même, je trouve que en tant que mini-série, ça se tenait vraiment bien sur le long terme. Vraiment de très bonnes idées. Même si on évolue dans une durée assez long parce que ça doit faire sur les 6 épisodes, on doit avoir quelque chose comme 1 an et demi. Et donc, il y a énormément d'évolutions pendant cette année et demie. Et on est vraiment pas perdu. Il y a beaucoup de sauts dans le temps, forcément, et on n'est pas perdu à chaque fois. Et j'ai trouvé ça assez bien mené. Bon, après, tout n'est pas parfait, mais c'est assez bien mené. Et en plus, malgré ce que j'ai dit visuellement, tout ça, ils ont dû avoir quand même un budget assez confortable pour une web série. Oui. Parce que franchement, oui, c'était pas non plus très dégueulasse. Clairement, ils ont mis les moyens pour faire. Pardon, Mathieu. Ils ont mis les moyens pour faire un truc autre. Et puis ça permet d'avoir une, sachant que Quentin Freddy, là, le barbu, il va avoir un rôle assez prépondérant à venir, je pense, dans les Dark Matters, histoire d'avoir une introduction notamment à son personnage et de pouvoir ainsi mieux le suivre au lieu de débarquer un peu in medias res directement au pilote d'Heroes Reborn. Après, je pense franchement qu'on peut ne pas avoir vu Heroes, ne pas avoir vu Dark Matters et pouvoir commencer à Reborn. Eh ben tu vois, moi je te dirais. Oui, après oui. Je pense pas. En regardant le pilote, je me suis dit finalement, les infos de base, les infos. Enfin, il y a effectivement des clins d'œil. Effectivement, quand on voit dans Heroes Reborn René, le Haïtien, revenir, etc. Le spectateur qui a vu Heroes est content, enfin reconnaît son personnage. Celui qui n'a pas vu a les infos. Je suis vraiment pas d'accord. Je pense que justement Heroes et Reborn fonctionne énormément sur la nostalgie du spectateur qui a vu Heroes et que justement ils prennent pas assez le temps parfois de remettre les choses dans le contexte ou d'expliquer certains détails qui pourraient être importants, genre Noah Bennett. Si tu connaissais pas le personnage avant, t'as pas d'explication sur qui il est, sur ses agissements avant avec Primal Tech, tout ça, sur ce qu'il faisait avant, tout ça, t'as pas d'explication et c'est vraiment passé très rapidement, alors que je pense que c'est assez nécessaire pour la compréhension. Et justement, je trouve que ça fonctionne énormément sur la nostalgie, de toute façon. Et même avec l'haïtien, tu le vois 5 minutes, tu sens qu'il y a énormément de choses entre l'haïtien et Noah, et on t'explique absolument rien. Et bon, spoiler, on peut, vu que l'haïtien est mort, on n'en reparlera plus, et donc tu sauras jamais ce qui s'est passé, ou même spécialement son pouvoir, enfin si tu comprends son pouvoir, tu lui as effacé la mémoire. Mais il y a tellement d'histoires entre eux, et il y a beaucoup de sous-entendus dans les dialogues, tout ça, que je pense que ça peut désarçonner certaines personnes, qui veulent justement savoir l'histoire qui s'est passée avant. Je suis assez d'accord avec Arnaud sur ce point, c'est-à-dire que Heroes Reborn a vraiment axé aussi un teasing sur le lien qui allait avoir avec Heroes. Surtout, ils nous ont annoncé. On t'entend super mal, Léo. Tu coupes hyper souvent. Ouais. Là, ça va? Oui. Bon, je disais donc Heroes Reborn s'est vraiment assumé quand même pendant dans le mot des anciens acteurs comme une série qui allait vraiment ne pas balayer absolument tout son héritage sur son passage. Après, je pense qu'on peut voir Heroes Reborn sans avoir vu Heroes, parce qu'il va y avoir des détails qui vont manquer, c'est sûr, il va manquer 2-3 trucs, et la promo, encore une fois, aura fait que que vous ayez une certaine connaissance de Heroes. Ton son est vraiment dégueulasse. Noah Bennett, ouais, ton son est dégueulasse, Léo. Tu coupes tout le temps. Je sais pas. Attends, donc on a du mal à comprendre. J'ai changé de réseau, enfin chez moi, et du coup, ça marche moins bien. C'est un très mauvais réseau. Donc, ouais, je pense qu'on peut, enfin, il vaut mieux avoir une connaissance de Heroes, enfin, une connaissance de Heroes relativement basique avant de voir Heroes Reborn, et notamment du point de vue du personnage de Net, de ce qu'il incarne, des relations qu'il a, de son histoire avec sa fille, etc. C'est pas comme dans Doctor Who par exemple, où il y a des liens avec la vieille série et où tu réintroduis quelques personnages de la vieille série dans la nouvelle, mais où pour autant tu peux comprendre parce que ce sont des personnages un peu sidekick qui vont pas non complètement te couper toute compréhension. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Surtout, certes, tu peux comprendre, mais il faut avoir des bases sur Bennett. C'est bon, vraiment important. On a commencé doucement à dériver sur le pilote d'Heroes Reborn, donc on va y aller franco maintenant. Bien ou pas bien, ce retour? Non. Moi, j'ai bien. Plutôt positif. Ah, et ben alors ça va être un... a priori un 2 contre 2, parce que j'ai plutôt un avis positif. J'étais plutôt satisfait après avoir vu l'épisode. J'ai eu beaucoup de craintes qui se sont avérées peut-être infondées, donc du coup ça m'a un peu rassuré. Je suis pas non plus hyper emballé, hein, mais en même temps j'ai vu la saison 4 hein, cette semaine. Ouais, t'es passé un peu du donc côté, peut-être que du coup voilà. Mais a priori pour moi on est parti plutôt sur de bonnes bases. Oui, je suis d'accord. Alors non, pourquoi Arnaud ou Elodie? Bah c'était chiant pour commencer. Il ne se passait pas grand chose. Je pense que Elodie est d'accord, c'était assez ennuyeux. Ah, je suis pas d'accord sur le fait qu'il se passe. Pour moi, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Oui, moi aussi. Dans la deuxième partie. C'est pas forcément intéressante. Ouais. En fait, ce qui m'a vraiment le plus dérangé, c'est que ça fait un peu, de toute façon, c'est une série un peu chorale avec plein de personnages. Déjà, moi, j'étais complètement perdue. Hein. Quand j'ai repris Heroes, j'avais même pas fini la série originale, donc voilà, et autant vous dire, je me souvenais de pas grand chose. Donc, déjà au début, je me suis sentie un peu perdue. Deux, on présente plein de nouveaux personnages qui n'ont pas forcément des liens entre eux, à part avoir des pouvoirs ou quoi que ce soit. Et en fait, surtout que les personnages sont inintéressants, quoi. Ils manquent d'intérêt, mais vraiment, ça manque d'intérêt. Zachary Levi, franchement, il est absolument pas crédible dans son personnage. Limite, le seul qui a un peu d'intérêt, c'est Bennett. À la fin de la première partie, du premier épisode, vu que c'était un double épisode. Et puis, dans la seconde partie, je trouve qu'il repère totalement de l'intérêt, quoi. Mm-hmm. Je suis d'accord avec elle. Les nouveaux moi, j'étais pas trop perdu au début parce que j'avais eu Dark Matters, du coup, ça allait plutôt bien. Mais franchement, les nouveaux personnages ne font vraiment pas le poids face à l'introduction qu'on a eue des anciens de Peter, de Hero, tout ça. Franchement, ils font pas le poids. Cette introduction-là fait vraiment pas le poids. Zachary Levi, il est, comme a dit Elodie, il est pas convaincant du tout. Sa femme, elle sert strictement à rien et le peu de scène qu'elle a, elle surjoue. L'histoire, l'amourette de Tommy, c'est pas intéressant et c'est prévisible. C'est pas du tout intéressant. Les Mexicains, El Vengador, qui s'y intéresse réellement, hein, déjà. C'était franchement pas d'accord avec toi. Et puis, l'histoire des deux Asiatiques, s'il te plaît. Le pouvoir de la fille, c'est de rentrer dans un jeu vidéo. Est-ce qu'on peut faire plus ridicule? On parlera des effets spéciaux plus tard, mais juste sur les effets spéciaux, est-ce qu'on peut faire plus ridicule que ça? Effectivement, le pouvoir est un peu étrange, anecdotique ou quoi. Oui. Mais il a quand même l'intérêt de lui permettre de se déplacer également dans la vie réelle alors qu'elle est dans le jeu. Et puis c'est un peu original, enfin, je veux dire, c'est complètement incongru. C'est complètement incongru, mais pourquoi pas. Oui. Et ce personnage deviendra beaucoup plus intéressant quand tout le monde aura compris et quand on aura révélé vraiment l'identité de son père. Oui. Parce que les connaisseurs d'Heroes ont reconnu son père avec son costume rouge de la Chine antique, enfin de la Chine médiévale. Elle compte, tu fais un plus un, elle est asiatique, il y a un asiatique qui revient. On a tous reconnu Hiro dans son costume, voilà. Quand ça sera plus clair, déjà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà, déjà, tu vois. Apparemment. Mais alors Claire, elle a quel âge là dans ce Heroes? Mais à mon avis, c'est pas réellement son enfant. Je pense que c'est une création. Bah, il a dû avoir un nouveau pouvoir. Pas forcément, quand tu regardes Hero voyage dans le temps, par exemple, c'est un enfant qu'il a eu à quelle époque? On sait pas. Hein. Aussi, il y a ça aussi. Oui. Ensuite, ouais. Regardez Molly Walker. C'est une grande femme mûre, tout ça, alors que c'était une gamine dans Heroes. Oui, ça se passe pas réellement à notre époque, ça se passe pas en 2015, ça se passe un peu plus tard. Moi j'avais compris qu'il y avait 8 ans entre Heroes et Heroes Reborn. Oui, donc, moi aussi, ouais. Moi je sais plus, mais je me souviens qu'il y a eu quelques années qui sont passées. Mais il y en a qui n'ont pas changé, hein. Bah non, il n'a pas changé, c'est vrai, mais voilà. Il y en a un qui a bien changé, d'ailleurs on n'en a pas parlé dans le préquel Dark Matters, c'est Micah. Oui, ouais. J'étais très super content de le revoir. On peut le reconnaître quand même assez tôt. Hein. Voir un peu qui est ce personnage de Hero Trousseur, ses facultés à pirater les réseaux informatiques pour pouvoir apparaître sur les écrans, etc. Enfin, voilà, la trace de Micah n'était pas difficile à trouver, mais moi c'est super cool de l'avoir revu en tout cas. C'est cool, ça fait un peu bon sang, mais c'est bien sûr. Quoi. C'est bien, ça fait un petit twist final sympa avec caméo. Donc après, oui, c'est vrai que cette asiatique deviendra peut-être intéressante une fois que son père... Ouais, une fois changer l'actrice. Une fois la relation pleinement faite. Et peut-être une fois aussi qu'elle aura. Arnaud sont un peu bon public quand même, ça fait un épisode, enfin, tu peux laisser faire un peu. Deux épisodes. Oui, deux épisodes. Pendant une heure et demie. Parce que finalement, ce qui manque à elle, c'est une origin story. de oui, l'intérêt, en plus, tout simplement. Pour pouvoir s'attacher à elle, déjà, si on pouvait savoir d'où elle vient. Voilà. Par contre, c'est Tommy, c'est ça? Ouais, l'ado, oui. Voilà. Moi, j'ai bien aimé ce personnage. Moi, je suis assez d'accord aussi. Et le moment où on découvre son... Et en fait, tous ces personnages sont certainement liés par quelque chose. Tommy a été enlevé par Primatech. Oui, oui. Et par Noah Bennett, sûrement. Donc du coup, voilà, c'est assez intéressant. Et on le découvre par un moyen, par son pouvoir, et par un moyen que je trouve pas forcément mal amené. Oui, il est plutôt, c'est même plutôt bien amené. Hein. Enfin, il y a vraiment du, il, enfin, c'est-à-dire que au début, j'avais un peu de mal, j'avais Once Upon a Time là. Et bah, il joue très très bien dans Once Upon a Time. Oui, oui, ah oui, au demeurant, oui, pas de, oui. Mais j'avais peur justement que ce soit un peu genre un gamin qui traîne la patte et qui soit un peu chiant à suivre tout ça. Et au final, il se développe plutôt pas trop mal et l'histoire autour est plutôt. Bah, mais parmi pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai. Oui, ouais, c'est vrai. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Arnaud, il y a un détail de ta diatribe qui sur lequel je suis un peu plus d'accord, c'est sur le fait que ce soit prévisible. Moi, je dirais même presque cliché, c'est-à-dire que les personnages les personnages, je les ai pas trouvés totalement inintéressants, comme tu le dis, mais je trouve que ils sont très Tommy, le surdoué, tu vois, qui pas le sourire, un pouvoir qui veut de mal à personne, mais qui finalement un petit peu brutalisé par le voyou du coin. Miko, la japonaise, aidée par l'espèce de geek du coin, le truc complètement exacerbé, complètement fou. Voilà. Et puis le truc avec les deux frères qui veillent sur un gamin qui le. Bon voilà quoi. Et après l'autre détail sur les personnages, c'est qu'ils ressemblent tous un petit peu à ceux de l'ancienne série quelque part. Il y a un modèle qui reste quoi. Oui. Miko, Tommy, ça peut être le nouveau Mika, hein, le nouveau gosse. Comme ça pourrait être José, là, le fils, enfin le neveu de Carlos, qui ressemble un peu à Peter, Hiro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Zachary Lévis, Dans les mauvais jours. Non, là tu peux pas dire ça. Zachary Lévis dans Sailor, non. Sailor est 10 fois mieux. Mais je suis d'accord. Parce que s'il y a bien un problème dans ce double épisode, c'est Zachary Lévis. Ah, si, bah, tu vas voir, ils vont nous faire le coup du gentil qui devient méchant, qui va devenir gentil, qui va devenir méchant, tout ça. Comme, lui, il va être entre deux parce qu'à un moment. Nathan. Tu vas voir. Parce que c'est ça... Nathan les mauvais jours, un peu, Zachary Lévis. Tu vois, c'est quand il a pété un câble contre les Heroes dans la. Parce que de toute façon, clairement, leur gosse, on va le ressortir bientôt. Hein, il n'est pas mort. Donc du coup, à ce moment-là, effectivement, il va y avoir forcément une bascule, peut-être même dans le couple, parce que est-ce que ça serait pas peut-être l'un des deux qui a trahi l'autre parent, enfin, et qui... Il peut y avoir aussi des magouilles dans ce couple-là. Hein. Oui, un qui a un pouvoir aussi, un truc dans le genre. Mais je pense que ouais, le Zachary, donc Luke Collins, pourrait développer un pouvoir. Moi, je m'attendais à justement à ce que ce soit un niveau Zachary Lévy, et en fait, pas du tout. On verra. Enfin, du coup, et puis oui, tu parlais de tout à l'heure, Arnaud, du. Merde, comment il s'appelle ce héros-là le... Elvengador. Quel nom Avengers. Ben, forcément. Mais du coup. Oui, c'est vrai qu'on on aurait pu s'en passer de lui, mais c'est plutôt celui qui va prendre sa succession qui m'intéresse, moi. Ouais, à voir, on voit pas assez encore, alors. Le frère. Je pense que de toute lui... façon, c'est sur le... Je pense que lui va être intéressant quand il va découvrir notamment les pouvoirs de son neveu. Ouais, c'est là que ça va devenir... Mais après, cet arc-là, personnellement, je l'ai pas... intéressant, oui, c'est que développe la série, c'est-à-dire celle de avec le tag là, Where are the Heroes, Who are the Heroes, Vengador qui emmerde un petit peu les voisins, qui emmerde un peu la police, tout ça, qui agit masqué et qui est un héros pour pas mal de monde, mais l'identité, les agissements, le pouvoir, ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant pour le coup. Ouais, moi le Vengador il m'a pas trop plu. C'était, mais là pour le coup, c'était, tu l'as dit tout à l'heure, c'était vraiment cliché. le héros qui veut aider la population, mais qui arrive pas très bien, puis il se fait piéger par la police locale. Non. Non. Tout simplement non, c'était ridicule. Bon, après, c'est vrai, au niveau des clichés, il y en a pas mal. Surtout sur les relations entre les personnages, notamment autour de Tommy. Enfin, je vois pas comment il peut se faire avoir deux fois. Il se fait martyriser par le copain de la fille qui l'intéresse, puis la fille, elle est gentille, elle va devenir amie avec lui. Et puis comment il peut se faire avoir deux fois par Luke? Oui. Je comprends pas. Enfin voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Évidemment, cette réunion, genre alcoolique anonyme, là, je me demandais où il était tombé. Forcément que ça va mal tourner mal et qu'il y a quelqu'un là-dedans, il y a une taupe là-dedans qui va foutre un peu la merde. Bah oui, logique. Prévisible, comme je disais. Et à la rigueur, ce qu'on peut reprocher à Tommy, c'est, bon, en même temps, ça peut être mis sur le compte de sa jeunesse, mais comment à un moment tu te doutes pas que le seul survivant de ce truc-là. C'est le tueur. Voilà. Qui puisse être un peu responsable, justement. Voilà, il y a quelques petits trucs qui sont embêtants. C'est pour ça que même si j'ai un avis plutôt positif et que je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu, il y a quand même des choses qui sont à corriger et que j'espère vont se modifier, s'améliorer. Le premier, les effets spéciaux, qui étaient assez dégueulasses. Bah, sur le jeu. Oui, c'était très mauvais au niveau effets spéciaux. Oui, on a perdu Léo, là, cette fois. Ouais. Allô? Oui. Ouais, on t'a perdu pendant 20 secondes. J'ai commencé une phrase, on n'a jamais eu la fin. Ah, non, je disais juste, par rapport au jeu vidéo, sur ce que tu disais sur les effets spéciaux. Ah oui, le jeu vidéo, mais je parlais pas que du jeu vidéo. Hein. Le mec qui peut, avec sa main, qui traverse, je sais plus quoi, le mur, pareil, c'était assez mal fait. Mais je pense qu'ils en sont conscients et que qu'ils en jouent un peu. Je suis pas certain parce qu'ils prennent ça vraiment au sérieux. Peut-être, mais en même temps oui et non, parce que regarde la scène en voiture avec Noah, où pendant tout le temps, cette scène, on te fait croire qu'ils sont en train de rouler et machin, et qu'en fait, hop, on change de caméra et on voit qu'ils sont dans une voiture avec un écran derrière qui fait défiler un paysage. Mmh. Et là, je me dis, il y a quand même un peu de. Je pense pas, c'est assez à part ça, parce que tu sais qu'ils travaillent dans le jeu. Non, tu sais pas forcément, c'est ça le truc. Si t'as, si t'as vu Dark Matter, tu le sais. Et je crois qu'avant, déjà, on a déjà vu une scène où l'autre l'espionne. Oui, non, mais je te parle vraiment de cette scène où il est en voiture et où tu vois le paysage. Mais j'ai compris. Non, parce que tu te rends compte quand même que c'est vraiment très, très, très factice. Et moi, franchement, j'ai pas du tout cru une seule seconde. Je t'ai pas dit. Ouais, ils sont en voiture. Moi, ils m'ont fait. J'ai jamais dit, ils sont en voiture, c'est mal fait et tout. Moi, je me le suis dit. Ils m'ont dit. Moi, j'ai tout de suite reconnu que c'était ça. Alors que vraiment d'autres effets spéciaux vraiment répugnants. Mais tu penses pas tout de suite à ça dans la scène de la voiture. Tu penses pas tout de suite à une voiture. Mais d'autre part, je pense qu'ils ont aussi gardé un petit peu l'esthétique et cette espèce d'effets spéciaux qui faisait le succès de la série. Ouais, ils ont gardé les effets spéciaux de 2007 alors qu'on est en 2015. À la grande époque. Ouais. Depuis, il y a l'Amérique. Hein. Non, c'est moche. Et puis surtout, il y a une. Bien pour conclure, c'est moche. Ça résume c'est bien. Juste que c'est très sombre aussi, surtout. Non, mais comment elle s'appelle, le vengeur, là, El Vagador, là, je crois. Ouais. Cette scène où il se fait piquer, cette scène de combat est hyper mal faite, quoi. Ah, mais il faut qu'ils appellent le chorégraphe de Daredevil, parce que c'était répugnant à voir. Je suis pas sûr qu'ils aient les moyens de l'appeler. Je pense pas non plus. Justement, quand tu vois les effets spéciaux, t'as compris qu'ils ont pas le budget. Non, mais oui, c'était très ridicule. Et puis son costume, mon dieu. Bon, quand le costume, d'accord, c'est du fait maison, etc. Le costume de Mais les n'est pas mieux que le pas mieux ni moins bien. Non, c'était mal chorégraphié, c'était vraiment répugnant. Ouais. Moi, pour moi, son costume, il n'a rien à envoyer à celui de Arrow, première ou deuxième version. Oh. Il est aussi cheap. Les Cox. Hein. Ouais, enfin, là, c'est NBC, pas CW. Oui, bon. C'est pas le même budget non plus. Ni à celui de Charlie Cox non plus. Et puis bon, Arrow c'est 22 épisodes, là c'en est que 13, donc le budget est mieux réparti. Apparemment il n'a pas été mis dans les effets spéciaux. Bah fallait peut-être payer les acteurs qui reviennent. Ni les scénaristes, ni dans le casting. Et c'est vraiment clairement pas des gros stars. Hein. Après tu peux être inconnu et très bon, ça veut rien dire. Non c'est clair, mais. Ce n'est pas le cas. Enfin, après ils ont un budget, genre histoire de Heroes Reborn, hein, parce que c'est quand même une arlésienne ce projet. Oui, non, Heroes Reborn, ce sera une saison et pas plus. Hein. Je la vois vraiment pas avoir une deuxième saison. Bah, Zachary Levy a déclaré qu'il voulait pas de saison 2 d'ailleurs. Mais moi j'ai vu écrit que c'était une mini-série. Hein, donc, Bah, moi j'avais lu qu'il y avait une possibilité de retour. Ah, et bah on n'espère pas. Bah ouais, mais je pense pas. Hein, 6 millions pour une première. Dire après deux épisodes. Le retour événement, 6 millions. Quand tu sais qu'il y a une chute la deuxième semaine. Bah il y a une chute au deuxième épisode déjà. Il y a 1 million de mois entre le premier et la deuxième partie. Voilà. Semaine prochaine. Ouais, niveau audience, effectivement, c'est pas oui, forcément. 6 millions, c'est une moyenne sur la soirée. Mais après, là, pour le moment, sur cette saison, quand on regarde un peu, si on lève un peu les yeux en dehors des adaptations de comics ou quoi, il n'y a pas de. Bah, il n'y a rien de bien. Il n'y a pas de gros carton, même en termes d'audience. Hein. Dans les nouveautés, non. C'est tout ce. Enfin, ouais, c'est vraiment. Bah, Scream s'est planté, Minority Report s'est planté, les Muppets, ça a tenu bon. Limitless, ça fait pas. Bah, voilà. Bah, pas terrible, Life in Pieces, c'était moyen, Heroes, moyen. Donc, du coup, voilà, on n'est pas dans une tendance. Après, c'est peut-être aussi parce que tout ce qui a été diffusé. C'était pas terrible. Si, il y a Rosewood qui a bien fonctionné, mais ça, c'est merci au meilleur. On est effectivement dans les débuts des lancements de séries, donc c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de meilleur qui sort maintenant. Ça va probablement, enfin, ça va aller jusqu'au bout, et ensuite, ils vont devoir prendre une vraie grosse décision pour savoir s'ils continuent. Mais Zachary Levy déjà a déclaré qu'il voulait pas de saison 2, enfin, qu'il disait que la saison 1 suffisait à elle-même. Il sera pas mal de retour. En même temps, si après ce double épisode, son personnage pourrait disparaître, on s'en foutrait. Hein. C'est ça, peut-être que la première saison a raison de son personnage aussi, hein. Ça se trouve, aussi. Il sera plus là dans 13 épisodes. Oui, bah, mais bon, apparemment, il dit que la saison se suffit elle-même, donc à voir, on verra bien. Bah, ça serait con quand même qu'ils aient fait la saison en la terminant sur un cliffhanger en disant ouais, ça passera, les fans vont revenir, tout ça. Quand tu vois que la saison 4 a été véritablement un échec au niveau audience. Il fallait vraiment assurer le coup et se dire il est possible que Reborn ne fonctionne pas. Donc ça aurait été vraiment très con de leur part de se dire allez hop, c'est les doigts dans le nez, on va avoir des scores gigantesques, on va revenir en saison 2, on fait un cliff de malade. Clairement, c'est ce qu'il fallait faire. Assurer le coup si jamais c'est pas renouvelé. Oui, bah ils vont. Ce sera à voir comment les fans vont réagir aussi, parce que il y a des fans. De la vieille époque, genre. Ouais, parce que les critiques, pareil, les critiques très, très partagées. J'ai lu des critiques américaines. Ça va du c'est convenable, ça fera plaisir aux fans de la première heure, à de la mauvaise fanfiction. Oui, j'ai lu ça aussi. Ouais. Après, fanfiction, je trouve que c'est un peu exagéré comme terme, mais. Mauvaise fanfiction. Oui, mais même, je trouve ça quand même exagéré. Mais elle est très bonne. Parce que bon. Pardon ? Il y en a des très bonnes, hein. Fanfiction, c'est pas. Là, je pense que dans les mots de l'auteur, c'était péjoratif, négatif. Alors que pas du tout. Alors que ça oui, l'est pas ça. Forcément. Mais il faut dire que ça va du convenable, ce qui n'est pas forcément non plus formidable, à c'est très mauvais. Bon, en tout cas, chez nous aussi, les avis sont partagés. On est a priori deux à avoir plutôt apprécié ce double épisode, deux à avoir rejeté, ou au moins en grande partie. Est-ce que malgré tout, vous allez continuer, Elodie et Arnaud? Quelques épisodes quand j'aurai le temps. C'est clairement pas une priorité, mais quelques épisodes pour voir. Peut-être pour le prochain podcast. Je ferai un marathon le dimanche comme Gotham pour être à jour. On verra. Je vais regarder. Mais carrément ça au même niveau que Gotham. Non, mais c'était pour comparer avec un truc merdique. Mais clairement Gotham est pire encore. Mais non, oui, je pense que je vais continuer quelques épisodes, voir si ça continue sur la même lancée, si ça s'améliore, s'ils font pire. Mais clairement, c'est pas une priorité, ce sera quand j'aurai le temps. Elodie ? Bah, je pense que c'est pareil. Pour l'instant, j'ai pas prévu de continuer, on verra si j'ai le temps de reprendre. J'ai déjà beaucoup de retard, donc je pense que celle-là va passer à la trappe aussi. Bon, Léo, a priori, comme moi, tu vas poursuivre. Ah, moi, je vais continuer. J'ai aimé la série originale malgré ses défauts. J'attendais ce Heroes Reborn. Je suis plutôt positif pour l'instant. Donc oui, je continuerai. Oui. Ok. Moi, j'ai envie de dire un truc, c'est déjà pourquoi ils ont voulu faire une suite, quoi. Surtout que les saisons 3 et 4 n'ont pas du tout marché au niveau audience et critique, mais pourquoi faire revenir ça alors que ça s'est terminé il y a juste 5 ans Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette suite, c'est de ne pas repartir directement après la révélation de Claire, de ses pouvoirs, etc., mais de laisser passer un gap de temps, de faire évoluer l'univers sans qu'on le voit évoluer et de reprendre, bah voilà, quelques années plus tard, a priori 8 ans, bah voilà, le monde a bien changé, les Ivo, maintenant comme on les appelle, sont beaucoup plus nombreux, il y a une espèce de cristallisation autour d'eux, voilà, de haine ou alors de fascination, on sait pas trop, voilà, il y a ce drame d'Odessa, il s'est passé plein de choses, et ben maintenant on est dans un monde qui a bien changé. Ouais, dans un monde où tu sais pas qui sont les héros, où sont les héros, tout ça. Ce teasing autour d'ailleurs avec ce propos-là est plutôt pas mal. Et puis après, sinon, Heroes c'était quand même une espèce d'Arlésienne, hein, tu vois, c'est Tim Kring, il a toujours une suite à son seul projet qui a jamais marché. et il l'a voulu, finalement, il voulait le faire tout de suite après. Finalement, ça s'est fait là que maintenant. C'est pas plus mal, comme dit Mathieu, ça reprend quelques années plus tard. Et on a un show qui est du coup un peu rafraîchi, qui part sur d'autres bases tout en gardant les anciennes bases, et qui joue d'ailleurs de ce dualisme entre originalité et nouveauté, avec... Je trouve notamment d'ailleurs de ce point de vue-là le personnage du haïtien et du coup voilà, voir avec ces deux premiers épisodes et puis le reste on verra au fur et à mesure des semaines. D'ailleurs oui, le haïtien et l'histoire de Noah, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure quelque chose sur Noah vis-à-vis de la mort de Claire Bennett, voilà. Et pour moi, la mort de Claire Bennett, elle n'a pas eu lieu. C'est quelque chose que le haïtien, que René a mis dans la tête de Noah au moment où il lui a effacé ses souvenirs et qu'il en a recréé de nouveau. Pour moi, Claire, elle n'est jamais morte. Mais lui, il en est persuadé, son père, parce que c'est quelque chose qui lui a été injecté avec ses nouveaux souvenirs. Bah après, en plus, on a un doute donné dans l'épisode, vu qu'il y a marqué Claire Bennett, on ne sait pas où elle est, quoi. Et pour moi, elle n'est vraiment pas morte. Ça fait partie de cette réécriture de la mémoire. Possible, et on va redécouvrir des fragments de la mémoire de Noah au fur et à mesure de la saison, évidemment, et je ne serais pas surpris de revoir débarquer Claire. Bah moi, si là pour le coup, je serais très surprise. L'actrice a dit qu'elle ne repasserait pas, a priori. Non, elle ne sera pas là. Alors, ils ont changé l'actrice, hein, mais... Ou alors, ils nous cachent un caméo surprise, ce qui ne serait pas trop mal, d'ailleurs. Je pense qu'il faut faire monter les audiences, et encore. À voir, mais pour moi, elle est... voilà. il y a cette possibilité qu'elle ne soit pas morte et que ça fasse partie de ce que le haïtien a fait à Noah. De toute façon, à suivre. On reviendra sur Heroes Reborn, alors peut-être pas aussi régulièrement que les autres adaptations de comics, hein, puisque c'est pas à proprement parler une adaptation de comics. Les inspirations, voilà, l'univers même de Heroes font vraiment penser à ce média-là et les thématiques abordées aussi. Donc c'est pour ça d'ailleurs, qu'on parle. D'ailleurs, si tu me permets, pardon Mathieu, juste un commentaire à propos de ça. D'ailleurs, Heroes, à l'époque, c'était une série où il y avait zéro série de super-héros et qui était un peu tout seul, donc un peu dans ce paysage voilà, qui s'inspire de séries de super-héros. Là, pour le coup, elle est revenue alors que la concurrence va être rude côté Flash, Arrow, Agents of S.H.I.E.L.D., plus tard Agent Carter. Girl, ça va être intéressant de voir par rapport à ça aussi comment la série nouveau et ancien et surtout par rapport à ce nouveau paysage qui s'est constitué en son absence. Effectivement. Donc on reviendra à mon avis sur Heroes Reborn seulement une fois ou deux, hein, peut-être même qu'à la fin de sa saison on va la laisser se dérouler tranquillement. On en reparlera de temps en temps si des choses importantes se passent dans la première partie de l'émission. Et voilà. On va lui laisser le temps de passer. Les prochains rendez-vous, quels sont-ils sur les podcasts? Tout d'abord, ce week-end, Padawan édition numéro 22, Justice League God and Monsters. Justice League, bien, bravo. Justice League Gods and Monsters. On se retrouve mardi prochain pour le mag numéro 24 sur nos écrans, numéro 24 la semaine prochaine. Ben, de quoi va-t-on parler? On va vous parler. Eh ben tiens, j'ai un trou là du coup. Arrow et Flash? Non, pas encore. Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. qui a fait son retour mardi, évidemment. Avant ça, vu qu'on est sur nos écrans, vu que cette émission sortira jeudi, on peut en parler, évidemment. Allez faire un tour sur nos écrans.com et sur comicstories.fr si vous êtes fan de The Walking Dead, puisque nous avons sur chaque site des coffrets DVD et Blu-ray de la saison 5 à vous faire gagner. Donc profitez-en, allez tenter votre chance, allez même tenter votre chance chez l'un et chez l'autre, tant qu'à faire. Deux fois plus de chances de gagner. Exactement. D'ici là, bonne série et à bientôt. Salut. Salut.